Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre évasion scientifique hebdomadaire à bord de Futur Simple. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre le large, de sortir des sentiers battus. À 18h30, nous irons explorer les confins de l'univers avec l'astrophysicien Jean Renéroy. On explorera le concept d'horizon cosmologique. Et pour maintenant, on va se contenter d'aller un peu moins loin, pas trop loin de chez nous. On va faire une petite promenade sur Mars. Vous avez peut-être vu cette nouvelle passer cet été, une annonce de la NASA disant avoir découvert de possibles traces de vie sur Mars, plus exactement en fait des biosignatures potentielles. Et cette nouvelle est accompagnée d'un article en bonne et due forme dans la revue scientifique Nature. Alors, des biosignatures potentielles, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va en parler avec Daniel Filion, qui est doctorant à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour Daniel. Bonjour Valérie, très content d'être là. Alors, Daniel, toi, tu t'intéresses aux extrémophiles, c'est-à-dire à ces formes de vie qui vivent dans des conditions extrêmes, donc par exemple les sources chaudes, des milieux hyper acides ou sans oxygène, ou dans ton cas, dans le lac Untersee en Antarctique, donc un lac sous-glaciaire privé de, en tout cas, pas beaucoup de lumière, pas grand-chose. Et pour ton doctorat, tu étudies la chimie du lac Untersee. Pour voir comment les réactions chimiques dans ce lac seraient compatibles avec une forme de vie extrémophile. Donc, disons que tu as quelques cartes en main là pour juger de la portée de cette découverte, de cet article paru dans Nature. Alors, quelle a été ta première réaction quand tu as vu cet article? J'étais content, je pense, parce que pour la première fois, tu sais, quand on est au doctorat, on travaille sur des questions de recherche qui sont tellement spécifiques, tellement précises. Puis souvent, c'est dans des domaines un peu nébuleux, là. Donc, j'étais vraiment content d'enfin avoir une excuse de pouvoir parler de ces fascinants cycles du fer et du soufre et tous les micro-organismes reliés à ça, au cycle, aux réactions chimiques. Donc, j'étais très, très heureux d'enfin pouvoir, de pouvoir en parler, étant donné que c'était une découverte qui était assez intéressante, assez impressionnante. Puis, je l'ai appris durant, j'écoutais un séminaire de la NASA, puis le papier venait tout juste de sortir, puis j'étais même pas au courant. Puis, je suis tout de suite allé voir l'article, je l'ai lu, puis ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un article aussi intéressant, aussi bien écrit. J'étais très heureux. C'est vraiment très fascinant tout ça. En même temps, on reste toujours prudent avec ce genre d'annonce parce que bon, il y en a eu d'autres, des annonces dans le passé là, des annonces de découverte de vie sur Mars ou de formes de vie ou de traces de vie, donc puisqu'ils ont été démentis par la suite, donc on reste quand même toujours un petit peu prudent. Il faut rester prudent parce que, en effet, on a certainement une historique dans notre histoire où est-ce qu'on a tenté de prouver qu'il y avait de la vie ailleurs sur Mars. Puis ça l'a souvent mal fini parce que il faut vraiment rassembler toutes les preuves qui pourraient contredire notre thèse, notre interprétation. Puis ça, c'est pas toujours facile quand on croit vraiment avoir trouvé la preuve, hein, parce qu'on veut être probablement une petite partie d'ego puis d'excitation reliée à ça. Donc, mais on n'a pas le choix. Le processus scientifique, la démarche scientifique nous oblige à vraiment le passer à travers un système rigoureux puis de faire vérifier tout ça. Puis il faut pas avoir peur des conclusions qui pourraient en ressortir. Puis on se souvient par exemple de la fameuse météorite martienne qui avait été retrouvée en Antarctique justement dans les années 90. On croyait avoir détecté un micro-fossile là-dessus, puis finalement ça s'est révélé faux. Oui, puis même le président à l'époque en 1996 avait fait un speech, une conférence de presse où est-ce qu'il avait annoncé ça. Donc c'était vraiment vraiment excitant là, mais au final c'est ça, c'est que ça n'avait pas encore été Ça n'avait pas encore passé entre les mains de tous les scientifiques. On est allé un peu trop vite avec ça. Les conclusions étaient trop hâtives. Puis en science, on sait qu'on doit faire attention à ça. Puis c'est ça, ce qui devait être un micro fossile. Puis quand on regarde les photos, ça ressemble vraiment à ça. On dirait vraiment un petit ver fossilisé. Puis c'est pas du tout ça. La géologie est par elle-même très capable de former ce genre de propriété-là, pas de propriété, mais ce genre d'apparence-là. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. C'était probablement juste une fissure, une craque faite par la géologie elle-même. De toute façon, c'était beaucoup trop petit pour être un fossile, là. C'était quelques nanomètres, donc vraiment des milliers de fois plus petit qu'un cheveu, donc très, très petit. Il n'y a pas de ver qui est aussi petit qu'aurait pu faire un fossile. Peut-être un virus, mais on sait que les virus ne laissent pas de fossiles derrière eux. Donc, c'était pas assez complet comme travail, et ça l'a vite mené à la rétraction du papier dans le journal, puis c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut avant, bon, on peut faire l'hypothèse d'une trace de vie, mais il faut faire d'autres hypothèses aussi. Il faut voir si le phénomène peut pas être expliqué autrement. C'est ça. On appelle ça des hypothèses nulles. C'est de expliquer ce qu'on vient de découvrir sans l'intervention de la biologie. C'est ça. Donc, faut faire attention à avoir ces hypothèses nulles. Alors, si on en venait à cette découverte-là, donc cette découverte relativement récente-là, on est où sur Mars? On est dans un cratère qui s'appelle le cratère G0. C'est un cratère qui a été la cible de cette mission-là, la mission de persévérance, puisque on est pas mal certain que c'est un ancien lac asséché. Donc, on sait que maintenant qu'il y a eu de l'eau sur Mars pendant son histoire, puis maintenant il y a plus d'eau, ça s'est évaporé. Et ce cratère-là est probablement un ancien lac dans lequel, si on est pour trouver des traces de vie ancienne, c'est là qu'on en trouverait. Donc, le but de la mission de Persévérance, c'est pas de trouver de la vie en ce moment. Ça, c'était les vieilles missions Viking, où est-ce qu'on pensait aller là, puis prendre une photo, puis là, ça allait grouiller de vie, là, il y avait un crabe qui allait passer, puis tout. On n'est pas là. Là, on sait que c'est probablement pas de la vie présente. On trouve des traces de vie ancienne, et un bon endroit pour ça, c'est d'aller là où est-ce qu'il y avait de l'eau à cette époque-là. Donc, c'est un cratère qui est fait de roches sédimentaires essentiellement. Donc, c'est des roches qui se sont formées dans de l'eau auparavant. Mais c'est des roches sédimentaires, mais parce que souvent sur Terre, quand on parle de roches sédimentaires, c'est des sédiments. De la vie, c'est des sédiments, c'est des fragments de coquilles, des trucs comme ça. Donc ça fait souvent appel à ça. Il y a souvent là cette notion de vie derrière les roches sédimentaires, mais là on parle de roches sédimentaires, donc des couches, mais qui sont pas forcément liées à de la vie. Pas nécessairement. Ça peut simplement être de la chimie, de la géochimie très de base qui permet d'expliquer ces couches-là. Donc, il y a pas de. On n'est pas vraiment à la recherche de fossiles en ce moment. On n'est pas à la recherche d'ADN. On est à la recherche de d'autres types de traces, d'indices un peu plus subtils. Et c'est ce que cette découverte-là a fait annonce. D'accord. Alors donc, c'est Persévérance qui a fait des observations. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ben, le cratère G0 est quand même un grand cratère, donc il y a plusieurs formations dans cet endroit-là, et ils se sont approchés de plusieurs formations rocheuses, et là, celle qui nous intéresse, c'est une formation qui s'appelle Bright Angel. C'est une formation qui était intéressante, entre autres parce que quand ils se sont approchés, ils ont vu qu'il y avait de la matière organique dans cette formation-là. Et là, je mets un bémol tout de suite. Matière organique, aussi intéressant que ça peut sonner quand on le dit comme ça ne fait pas référence à de la vie. Maintenant, on le sait, là, de la matière organique, ça peut être synthétisé par d'autres choses que de la biologie. Il y a des réactions qu'on appelle abiotiques, donc pas de biologie associée, qui peuvent former des molécules organiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est des molécules à base de carbone. Donc, c'est tout ce domaine de la chimie-là qui est basé sur des molécules à base de carbone. Et il y a ce type de molécules-là dans la formation Bright Angel. Donc, le rover Persévérance est équipé d'une série d'instruments et un laboratoire quasiment complet sur le robot. Donc, il y a la possibilité d'identifier certaines molécules puis de faire des premières analyses. Et là, il découvre la matière organique. Donc, c'est vraiment cool. C'est pas inattendu, mais ça reste toujours excitant là, de trouver des molécules organiques. Mais ça, c'était déjà avant cet article de cet été. C'était des découvertes qui avaient déjà été faites, ça, ces molécules organiques. Très possiblement. Ben, en fait, on a choisi le cratère G0 parce que on avait déjà des bonnes idées. On savait qu'on allait probablement trouver des bons indices. Il y avait vraiment un endroit stratégique à aller, c'était celui-là. Donc, il y avait définitivement des choses qui avaient été découvertes ou du moins qui avaient été suspectées avant. Mais c'est pas donc ces molécules-là qui étaient tant impressionnantes. C'était des petites zones. Puis là, n'importe monsieur, madame, tout le monde qui passerait à côté de cette roche-là verrait rien de super intéressant. C'est des petites zones, des petits minéraux dans la roche. Mais pour les géologues, l'équipe de la NASA qui était derrière ça, eux, ont trouvé ça pas mal surprenant. Donc, c'est des petites zones. Il y en a une qui s'appelle des poppy seeds. Ce sont des noms tentatifs qu'on a donnés dès les premières observations. Là, ça n'a pas vraiment de signification scientifique à ça. Donc, des poppy seeds, c'est de la vivianite, en fait. C'est un minéral qu'on retrouve sur Terre, là aussi. Là, de la vivianite, c'est un minéral de phosphate et de fer. Et ils ont également trouvé des minéraux qu'on appelle la greguite. Donc ça, c'est un minéral qui est formé de fer et de soufre. Donc on a sur cette espèce de roche-là des zones avec des minéraux de phosphate, de fer et de soufre. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que si on trouvait ces minéraux-là dans un sédiment terrestre sur Terre, dans une roche sédimentaire, on se poserait pas 2000 questions. Souvent, ça, c'est associé à des réactions chimiques qui font intervenir la biologie. Et là, c'est là que ça rentre un peu dans ce que moi, j'étudie au lac Countersea, c'est que dans un environnement anoxique, où est-ce qu'il n'y a pas d'oxygène, les microbes peuvent respirer. Ils vont utiliser des réactions d'oxydoréduction. Donc, ça, c'est les mêmes réactions qu'on utilise, nous, pour respirer. C'est des transferts d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Par exemple, la rouille. Hein? Donc, de l'oxygène qui va oxyder le fer, ça va former de la rouille. Ça, c'est un type de réaction d'oxydoréduction. Nous, quand on respire, c'est aussi de l'oxydoréduction. Donc, c'est un type de réaction chimique qui peut être biologique ou pas. Donc, c'est important de faire la mention. Dans ce cas-ci, c'est biotique, dans le sens que les microbes, quand ils respirent d'autres choses que l'oxygène, du soufre, par exemple, sous forme de sulfate, ils vont expirer, non pas du CO2 comme nous, mais ils vont expirer des sulfures. Ça, c'est la forme de soufre qu'on associe souvent à l'odeur des œufs pourris, là, donc espèce d'odeur nauséabonde du soufre. C'est les sulfures. Et ce sulfure-là peut ensuite réagir avec le fer pour former les minéraux, la greguite. Dans le cas de la vivianite, c'est du phosphate, comme je disais. Donc là, c'est la matière organique, lorsqu'elle est dégradée, qui peut libérer du phosphate qui va réagir ensuite pour former la vivianite. Donc, c'est comme si ces roches-là étaient des résidus, comme des déchets associés à de la vie microbienne en environnement anoxique. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on constate sur Terre, ça. Quand on trouve ces minéraux-là, cette vivianite, cette greguite, c'est des résidus de la respiration de bactéries ou de formes de vie qui ne respirent pas de l'air comme nous, là, l'oxygène, mais qui respirent autre chose. C'est ça, exactement. Puis ce autre chose-là, c'est du soufre Ouais. sous forme de sulfate. Puis il y a plein d'exemples sur Terre. C'est pas quelque chose qui est impressionnant sur Terre. Dans le lac Countersea, il y a un cycle du soufre qui est très actif. On a du sulfate qui se fait respirer pour produire du sulfure. Et si on regarde les sédiments, c'est rempli de minéraux, de monosulfure, de fer. Donc, il y a de la greguite, il y a de la pyrite, il y a tous ces minéraux-là. Mais tout à l'heure, tu parlais d'hypothèses nulles, donc il faut envisager d'autres hypothèses, d'autres mécanismes qui pourraient aboutir à ces minéraux-là, là, cette vivianite et cette greguite. Donc ce Tout serait à fait. quoi les hypothèses nulles? Si ce n'est pas biologique, c'est quoi? Bon, si c'est pas biologique, ben c'est abiotique. Donc c'est fait par des processus de chimie et de géologie. Et la première auquel on pense, c'est la température. Donc prendre du sulfate et le réduire en sulfure, on peut le respirer par des microbes. Donc ça se fait. Mais ça peut aussi se faire à de grandes températures. Donc, au-dessus de 150 degrés Celsius, le sulfate, très lentement, va devenir du sulfure. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi il y aurait du sulfure. Pas besoin de micro-organismes qui respirent. On a juste besoin de beaucoup de temps et de températures élevées. Ce qui arrive, c'est que si on teste cette hypothèse-là, ben on se rend compte qu'il n'y a aucun autre aspect dans la formation rocheuse de Bright Angel qui indique des températures élevées. Si ça avait été le cas, si la roche avait été soumise à des températures aussi extrêmes, il y aurait des aspects dans la minéralogie, dans la géochimie qui indiqueraient des hautes températures et c'est pas le cas. On regarde l'aspect des minéraux, la cristallisation, il y a rien qui nous indique qu'il y avait des températures aussi élevées. Donc ça nous permet de comme discarter cette hypothèse-là, d'autant plus que des minéraux comme la greguite et la vivianite, et on a même trouvé de l'olivine, qui est un autre minéral dont j'ai pas mentionné, ben à des hautes températures, ils se dégradent. Donc on les trouverait pas de toute façon. Donc, on peut discarter cette hypothèse-là, étant donné qu'il n'y a rien qui nous indique une formation à haute température. Est-ce qu'il y a une autre piste qui pourrait expliquer cette vivianite? Ben, on pourrait se dire qu'on peut former ces minéraux-là dans des environnements acides. Bon, OK. Fait que là, à ce moment-là, il faut essayer de voir s'il n'y a pas d'autres indices qui nous expliquent que, il y a eu une formation acide. L'acidité, ça fait référence au pH. Donc, est-ce qu'un environnement est acide ou basique? Ça, évidemment, ça a des effets sur la vitesse des réactions chimiques. Ça a un effet sur la précipitation de certains minéraux, sur la dissolution de certains minéraux. Donc, ça a des effets importants. Encore une fois, les études pétrographiques, donc les études des mécanismes de formation de la roche nous indiquent qu'il n'y avait pas d'environnement acide lors de la déposition de la formation rocheuse. Donc, encore une fois, l'équipe a discarté cette hypothèse-là. Et la dernière hypothèse qu'ils ont testée et qui font part dans l'article, c'est la possibilité que ces minéraux-là se soient formés ailleurs, Et a dans été une... transporté. Exactement. Donc, une formation où est-ce qu'il y avait des températures élevées, tout ça. Et là, ils ont été transportés par un certain médium. Il y a un peu de vent sur Mars, donc ça aurait pu être transporté. Et là, ils se déposent et là, ils font partie de la structure, rocheuse. Si on regarde la géologie, même pas besoin d'être géologue, là. On peut juste regarder la photo de la roche, puis on voit qu'ils sont un peu placés aléatoirement. S'ils avaient été déposés là, transportés, ça aurait probablement fait des lamelles, des dépositions qui sont plus sous forme de couches, et c'est pas ce qu'on observe. Donc, on est capable de prouver l'origine ontogénique, c'est-à-dire une origine qui a été, où est-ce que ça a été formé directement sur place et ça n'a pas été déposé par la suite. Et donc tout ça a été analysé là par les chercheurs, parce qu'en fait cet article-là, dans les auteurs là, il y en a, je sais pas, 50 là, je sais pas combien, je les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. J'imagine que donc il y a des chimistes, mais il y a des géologues, il y a pas mal de monde qui ont exploré toutes ces hypothèses-là sérieusement avant de les écarter. Oui, puis il y a toute une équipe, là, c'est ça, c'est différents domaines qui ont essayé de. Puis l'article, ça fait au-dessus d'un an qu'il est en rédaction, en révision. On a vraiment essayé de le soumettre à plusieurs experts pour vraiment essayer de contredire toutes ces preuves-là. Puis quand ils l'ont enfin publié, leur attitude à ces auteurs-là, c'était vraiment, on croit que ce sont des réactions chimiques d'oxydoréduction qui font intervenir la biologie qui sont à l'origine de ces minéraux-là. On a testé les autres hypothèses nulles, et on n'est pas capable de trouver une explication autre que celle qu'on croit être. Donc, c'est une attitude qui, selon moi, s'aligne très bien avec la démarche scientifique qui est de vraiment vouloir contredire notre découverte et de passer par les autres possibilités-là. C'est quelque chose qu'on a souvent critiqué. Ça l'a même mis le public un peu maintenant quand on a... Un peu sceptique des fois avec ces annonces-là. C'est ça, parce qu'on l'a souvent vu, puis là, il n'y a pas longtemps, il y avait du phosphate sur Vénus, puis on dirait qu'à chaque année, il y a quelque chose d'impressionnant qui se produit, puis on croit avoir trouvé des traces de vie. Mais ici, l'attitude des auteurs, puis la rigueur de l'article montrent vraiment que c'est vraiment des scientifiques qui croient être sur la trace de quelque chose et qui sont pas certains de pouvoir l'expliquer autrement, là. Mais est-ce qu'on peut vraiment écarter, parce qu'on peut peut-être, on connaît pas non plus tout sur Terre, donc il y a peut-être des hypothèses qui nous échappent. On peut pas non plus éluder, des hypothèses nulles auxquelles on n'aurait pas pensé. Il y a définitivement d'autres hypothèses nulles qu'on pourrait tester, qui ont probablement été testées, qui vont continuer d'être testées. Après, on a quand même une bonne connaissance de la géologie puis de la formation de ces minéraux-là. Ce qui nous manque comme information, c'est les conditions environnementales sur Mars. Là, évidemment, ça, c'est des sciences planétaires qui sont un peu plus ardues. Même nous, sur notre planète, reconstituer l'environnement biogéochimique de notre planète dans son histoire, c'est assez compliqué. On a de la difficulté avec ça. Moi, j'étudie un lac qui est analogue à ces anciennes conditions-là et qui permet d'aller répondre à certaines questions, mais évidemment sur Mars c'est beaucoup plus compliqué parce que ben on n'est pas là. Donc Non. c'est en fait qu'il y a aussi cette difficulté-là qu'on connaît mal l'histoire de Mars. Donc c'est de mal évaluer les conditions qui prévalaient durant la déposition de cette formation-là. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour prouver effectivement que c'est d'origine biologique? La chose à faire, ce serait de ramener les échantillons sur Terre, parce que même si le rover Persévérance est vraiment bien équipé, il possède presque tous les équipements qu'un jeune chercheur voudrait avoir dans son laboratoire, là, c'est assez impressionnant, c'est une réalisation d'ingénierie incroyable, ce rover-là, mais il a ses limitations, on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse toutes les analyses, donc on n'aurait pas le choix de ramener ces échantillons-là. Persévérance fait partie d'une plus grande mission où est-ce que c'est prévu déjà de ramener des échantillons. Il a déjà fait quelques carottes de roche qu'il a laissées derrière lui et il y a une mission future qui est supposée aller récolter tout ça. Évidemment, en ce moment, il y a une dimension politique reliée à ça qui est un peu qui rend tout ça un peu confus, mais c'est quand même le but de la mission première. Et si on pouvait ramener ces échantillons-là sur Terre, on pourrait les soumettre à des analyses beaucoup plus précises. En anglais, ce qu'on dirait le smoking gun, c'est-à-dire l'explication, la preuve irréfutable qu'il y a de la vie, ça serait de découvrir de l'ADN dans ces roches-là. Si on découvre de l'ADN, là, c'est pas mal compliqué de dire que c'est pas de la vie. Le problème, c'est que l'ADN, ben, on le sait, là, on pogne des coups de soleil, puis ça détruit l'ADN, on pogne des cancers de la peau. Ben, l'ADN, c'est très vulnérable à la radiation à haute énergie. Donc là, sur Mars, avec un retour sur Terre, la probabilité de trouver de l'ADN est très très petite. Donc, ça serait pas de trouver de l'ADN. On pourrait essayer de trouver des lipides. Les lipides sont plus résistants. Mais vraiment, une analyse qu'on fait sur Terre et qu'on fait au laboratoire ici, où est-ce que je fais mon doctorat, dans l'équipe d'André Pellerin, c'est de faire des analyses de carbone, des isotopes de carbone. Donc, je veux pas rentrer trop dans les détails. C'est une technique qui est assez compliquée, mais qui est routinière. Ça fait des dizaines d'années qu'on fait des analyses d'isotopes de carbone. Qui permet de distinguer du carbone biologique du carbone non biologique. On pourrait le voir comme ça. Donc, ce qui arrive, c'est que le carbone dans la nature, il existe deux isotopes. Donc, il y a le carbone 12, c'est-à-dire qu'il a 6 protons, 6 neutrons, et il y a le carbone 13. Il y a 6 protons, mais 7 neutrons. Donc, ce petit neutron, pardonnez-moi, de différence, ça fait qu'il y a une masse différente. Donc, il va se distinguer dans la nature. Et la biologie, souvent, on dit que la biologie préfère les isotopes léger, donc le carbone 12. Donc, si je prenais tous les atomes dans mon corps, les atomes de carbone, il y aurait un peu plus de carbone 12 que de carbone 13, étant donné que je suis quelque chose qui est biologique et mon corps, par ses métabolismes et tout, va préférer le carbone léger. Tandis que si je prends un paquet d'atomes d'une roche, quelque chose de complètement inorganique et qui est pas biologique, ben, le ratio, la distribution entre les deux isotopes de carbone 12, carbone 13 va être différent. Donc, on serait capable de faire des analyses de carbone 12, de carbone 13, de regarder le ratio, la distribution de tout ça. Et là, ça nous donnerait une bonne indication que c'est biologique ou pas. C'est quelque chose qu'on fait très, très souvent. On a utilisé cet outil-là pour reconstituer les archives sédimentaires de l'histoire de la Terre. Donc, ça serait vraiment une bonne analyse à faire. Encore faut-il ramener les échantillons sur Terre. Ouais, puis ça, c'est peut-être pas pour demain la veille. Mais en tout cas, on va continuer de suivre cette histoire-là. Tout Alors, à fait. un grand merci, Daniel, pour nous avoir explicité cette découverte et pouvoir juger de la portée de cette découverte. Je te remercie beaucoup, Daniel. Ça me fait grand plaisir. Et je rappelle que tu es étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Rimouski.